AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Le vent est Farua dans la vallée. La montagne est Tamaiti. Le lieu de réunion est Pōheu. La mer accueille de Teirirere. Le vent est Farua dans la vallée. Il bruine. L'arc-en-ciel surgit. L'arc-en-ciel surgit. La série documentaire Prau Amara Maramara. Le voyage de Bougainville, contre-enquête. Pour France Culture, nos radios Frani Hiroa. À l'arrivée, nous vous prions de bien vouloir attendre les annonces nous autorisant la visite au garage. Pour tout renseignement. Lorsque les circumnavigateurs abordés sur une terre nouvelle, l'une des premières questions qu'ils posaient aux gens des lieux, c'était « Quel est le nom de cette terre ?» Ouais. Flora de Vatine. Donc, en lisant leur récit de voyage, bien souvent, nous avons eu l'impression qu'ils ne manifestaient pas à l'égard des gens du lieu, des indigènes qu'ils rencontraient, et auprès desquels, pourtant, ils s'informaient, une attention particulière, en leur demandant ne serait-ce que leur nom. Ouais. À l'instar des anciens Polynésiens qui, à leur arrivée sur une île, ils se présentaient en donnant le nom du clan, de l'ancêtre, du marais, de la terre d'origine, respectant en cela le cérémonial d'échange, Iuta côté montagne, Inietfenua sur la terre ferme, et les gens Itei côté mer, Inietva sur la pirogue. Aussi, nous n'avons pas les noms des gens du peuple, ou si peu. Par contre, ils ne manquaient pas de relever ceux des chefs, des membres de leur famille, donc faisant montre ainsi de peu de considération envers les gens simples qui constituaient pourtant la base de la population. Je pense qu'on a affaire avec la période du contact, et tout particulièrement à Tahiti et plus largement dans le cadre de la Polynésie française, à quelque chose qui... Véronique Larcade. ...est une espèce de... Oui, d'occultation, enfin. Je pense qu'il faudrait presque employer le vocabulaire de la psychanalyse. Peut-être une espèce de blocage, de rejet. En tout cas, quelque chose qui n'est pas verbalisé. Et au-delà de la verbalisation, quelque chose qui est éminemment problématique parce que traumatique. Tu sais, l'arrivée de Wallis et ensuite de Bougainville et de Cook, 1767, 68, 69, avait profondément bouleversé le système d'équilibre entre les différents chefs de l'identité. Pourquoi ? Marc et Dose. Wallis avait choisi de faire cartographier la Hanse de Matavai. Pourquoi ? Parce qu'on voit, c'est bien sableux, c'est facile, il faut descendre des tonneaux pour aller remplir avec l'eau potable. D'ailleurs, on a un petit ruisseau qui coule jusqu'à bord de mer. Hein. Tu vois, les Anglais à cette époque était un peu peur de le peuple autochtone, quoi, n'importe où, parce qu'on ne sait pas s'il doit nous attaquer. Matava était parfait. Regarde ici, papa, c'est super, mais c'est un problème. On a des cailloux au bord de mer. Enfin bref, peut-être c'est pas aussi profond le bay pour l'ancrage de le navire européen. Alors, on est où, Marc, là? C'est le côté sud de l'île de Tahiti. C'est le point de Otu Manu Manu. C'est le promontoire avec le marais en arrière-plan. Le grand vallée de Papara qui était renommé, celui de Tahiti, pour sa fertilité. On a le champ de taro, de zinyam, de plantation de bananes. C'est vraiment une espèce de point de fertilité sur l'île. On a Maua Tamaiti, qui est le grand montagne qui se plante le vallée en hauteur. Ça, c'est toujours pris, le montagne de votre vallée, comme un peu un ancêtre de vos familles et vos tribus. On a la belle rivière de Taharu qui coule de l'intérieur, qui justement arrosait tout le champ de taro et tout ça, et qui débouche sur la plage. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est un spot renommé pour le surf, avec le Billabong Pro et tout ça. Très connu, j'imagine, aux surfeurs en France quand même. Hein? 1767, Wallis arrive dans la baie de Matavai à Tahiti. 1768, Bougainville débarque à Itiaa. 1769, le capitaine Cook accoste lui aussi à Matavai et fait le tour de l'île qu'il cartographie entièrement. À Papara, lieu d'une des chefferies les plus puissantes à l'arrivée des Européens, un dessinateur du capitaine Cook immortalise par une gravure le plus grand marae de l'île, le temple Maeatea, dont Marc Edoz nous parle. Quelle que soit la nature qu'il prêtait à ces étrangers, les habitants ont trouvé sans doute que cela faisait un nombre préoccupant d'arrivants à la même période sur leur rivage. Ces étrangers à la peau blanche, ces popaha, étaient seulement des hommes. Ils naviguaient sur d'immenses pirogues sans balancier. Ils avaient des clous en métal précieux pour en faire des hameçons et des armes mystérieuses qui tuaient à distance. À son retour en France, l'explorateur Bougainville publie le récit de son voyage autour du monde en 1771. En faisant de Tahiti le lieu où l'amour se pratique en public et sans barrière morale, il fabrique un mythe qui entre durablement dans la carte mentale des Européens. Tahiti devient un paradis pour marins. Des historiens, des anthropologues et des Tahitiens proposent aujourd'hui une relecture critique des récits des explorateurs. Ils tentent de comprendre, 250 ans plus tard, ce qui s'est joué réellement pendant ces premiers contacts. Petit lexique, marae, sanctuaire. Mana, prestige. Quand on arrive ici, on réalise très vite qu'on ne comprend rien. Alors, un réflexe voilà, presque automatique, c'est d'aller voir derrière, dans le passé. Et évidemment, j'ai trébuché sur le voyage autour du monde de Bougainville. Véronique Larcade, historienne, enseignante à l'Université de la Polynésie française. Le voyage de Bougainville se déroule dans un contexte qui permet d'expliquer son caractère beaucoup moins achevé que celui du premier voyage de Cook. Oui, c'est vrai que c'est un voyage scientifique, mais le voyage de Bougainville, il est aussi très lié au choix ou à la politique étrangère de Choiseul. Après la défaite de la France dans la guerre de Sept Ans, il s'agit de partir à la conquête peut-être de nouvelles colonies, étant donné que la plupart ont été perdues à la suite des négociations de paix. Bougainville lui-même a vu sa carrière militaire brisée parce qu'il n'y a plus la possibilité de devenir quelqu'un au Canada, puisque le Canada est passé sous contrôle anglais. Donc voilà, son expédition, c'est une expédition qui est dirigée vers les Malouines, vers l'Atlantique Sud, et qui ne traverse le Pacifique qu'un petit peu à la recherche d'îles où on pourrait trouver des produits coloniaux permettant de générer des profits considérables, dignes de ceux que procure le sucre, le café. En fait, l'escale à Tahiti, elle est une escale presque de hasard. On est à une époque où il n'y a pas de cartographie systématique du Pacifique, on a du mal à calculer la longitude. Donc, Bougainville, c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement pu constituer autour de lui une équipe scientifique parce qu'on manque de moyens. Il finance en grande partie l'expédition sur sa propre fortune. Les caisses de l'État sont vides compte tenu de la situation d'après-guerre. Et en particulier, c'est la raison pour laquelle, s'il a un botaniste de grande qualité en la personne de Commerson, le patron de Jeanne Barré, voilà, il a un astronome, lui-même est doué en mathématiques, mais on a en grande partie affaire à des amateurs. Il manque un linguiste. Les gens à l'époque, tahitiens ou autres, enfin ce qu'on appelait les Polynésiens, les autochtones. Laura Devatine, poétesse et membre de l'Académie tahitienne, Faré Vanaa. Ce sont des navigateurs, ce sont des gens qui se déplaçaient constamment d'île en île, ouais, pour le plaisir, par nécessité ou par hasard, parce qu'ils ont dérivé, ils voulaient aller à un autre lieu et puis ils arrivent ailleurs. Antoine Lilti, historien du siècle des Lumières. Il y a l'hypothèse de l'existence d'un grand continent austral au sud du Pacifique, et les plus grands savants de l'époque sont convaincus qu'il y a là un nouveau continent à découvrir, avec des habitants, une flore, etc. Alors, ça se révélera être en réalité une erreur, mais à l'époque, tous les savants le pensent. Mais on a aussi un objectif, qui est un objectif militaire et colonial, qui consiste à implanter la France plus clairement dans le Pacifique Sud, à la fois pour des objectifs militaires, mais aussi pour concurrencer le commerce colonial des Anglais, et en particulier trouver une base pour organiser la contrebande avec la Chine, puisque le commerce chinois est à ce moment-là extrêmement important. Corinne Rebaud, historienne et conférencière. Donc, il y a l'arrivée par Métia, donc, c'est-à-dire par le sud-est, par la presqu'île. Et puis ensuite, donc, ils vont longer la côte est de Tahiti. Et ils vont, Louis-Antoine de Bougainville va choisir la baie d'Itia pour aller mouiller ses deux navires, la Boudeuse et l'Étoile. Mais déjà, avant même qu'ils soient au mouillage, il y avait déjà des pirogues qui les avaient accompagnés, qui les suivaient jusqu'au moment du mouillage. Et puis par la suite, donc, ils sont restés 9 jours au mouillage. Alors, Bougainville a dans l'intention de construire un hangar à terre, une espèce de tente, j'imagine, donc, pour abriter les scorbutiques et favoriser leur rétablissement rapide, et puis aussi pour se reposer. Et là, c'est là qu'a lieu le calcul des jours à terre. Hein. C'est là que Bougainville demande 18 jours en mettant 18 cailloux au sol et en mimant la course du soleil. Mais quand le chef Hiriti comprend que ce hangar doit aussi servir à séjourner la nuit, c'est là qu'il ramène les affaires dans les chaloupes pour indiquer qu'il n'est pas d'accord. Et là, il y a eu peut-être un malentendu, c'est-à-dire que, en fait, le chef ne voulait peut-être pas dire qu'on ne voulait pas des Français à terre, puisqu'il en avait accepté quand même les 9 jours d'escale, mais c'était probablement, enfin, c'est possible, qu'il ne voulait pas qu'ils dorment à terre, dans une société animiste, polythéiste, que ces hommes qui arrivent de jour séjournent à terre de jour. Il fallait, je pense, pour les Tahitiens du lieu, qu'ils repartent dormir à bord de leur bateau la nuit. Parce que dans un monde où dès que la nuit tombe, les esprits rôdent et tout un tas de choses arrivent, le chef et probablement les prêtres avaient considéré que ça allait déséquilibrer le fragile équilibre des lieux avec cette présence différente, inattendue, étrangère. Et d'ailleurs, les nuits ne sont jamais calmes, parce que quand Bougainville insiste quand même pour faire dormir ses hommes à terre et même lui, eh bien, les nuits sont toujours agitées. Il y a des tours de garde, il y a des sentinelles, il y a des jets de pierre, il y a des vols, etc. Ce n'est jamais apaisé. Serge Tcherkesov, anthropologue, propose une relecture critique des récits du voyage de Bougainville. A priori, je ne suis pas un spécialiste des voyages de de cette époque, français ou anglais, etc. En revanche, ça faisait longtemps, évidemment, que je m'intéressais à comprendre les sources, les racines, l'évolution de la vision européenne, la vision même occidentale en général, de la Polynésie dite ancienne, traditionnelle. Enfin bref, tout ce mythe, ah, la culture polynésienne, c'est ou c'était, parce que voilà, les premiers voyageurs, ils nous l'ont décrit comme ça, comme ça. Cet intérêt pour moi, il est venu non pas de Tahiti, parce que je ne suis pas un spécialiste de la Polynésie française au sens où mes études de terrain n'étaient pas là-bas. Au départ, c'était pendant de nombreuses années dans un autre archipel de Polynésie, Samoa. Samoa, forcément, j'ai été confronté à un autre, entre guillemets, mythe occidental propagé par la fameuse Margaret Mead, qui avait donc écrit sur l'éducation des adolescents, la sexualité, etc., etc. D'une part, ce qu'elle avait écrit ne correspondait pas à ce que j'avais vu moi, mais bien sûr, elle était là 40 ans plus tôt, même plus. Mais d'autre part, j'avais l'impression que ce qu'elle disait était nourri de clichés qu'on a dans ces voyages anciens. Donc en fouillant, je me suis dit, mais il y a vraiment de quoi revenir entièrement sur ce qu'on croit savoir de Tahiti par ce que Bougainville a écrit. J'ai fait des comparaisons entre, d'une part, ce que les Européens croyaient savoir sur ces premiers contacts sur l'époque ancienne d'archipel à l'est, Tahiti, la Polynésie française, et de Samoa, avec cet avantage que voilà deux archipels très éloignés qui ont été visités au début à assez peu d'intervalle de temps. Donc, tout ce qu'on peut voir qui semblait correspondre nous disait quelque chose de plus sur une certaine stratégie que les Polynésiens auraient mise en place devant les Européens. Mais quand, de temps en temps, ils arrêtent de dire juste « nous pensons que parce qu'on sait bien que » et qu'ils décrivent soudain des petites scènes, et le plus intéressant, c'est quand ils décrivent des scènes où ils disent « on les comprend pas, mais on les note quand même », et que ces scènes-là sont très proches entre deux archipels tout à fait distincts, là, on se dit, on a quelque chose qu'on peut restituer de la stratégie, de la voix des Polynésiens de cette époque. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette sorte d'ethno-histoire où, de quelle manière on peut restituer un petit peu ce que les Polynésiens ont pu penser quand ils ont, eux, découvert les Européens, et quelle stratégie, du coup, ils ont pu élaborer. Dans la conception polynésienne, il y a deux éléments qui constitue l'homme du lieu, le Polynésien, le Maui, l'autochtone. C'est son nom et sa terre. Bougainville, dans son récit publié, est forcément généralisant et résume. Pourquoi ? D'abord parce que, comme tout capitaine, c'est celui qui a eu le moins de contact avec les gens. Le capitaine reste à bord, c'est les autres qui vont à terre. C'est les autres qui ont des expériences dans la journée et qui racontent le soir. Et Bougainville prend ses notes. Il y a donc déjà un premier résumé de ses compagnons qui ont été à terre et qui ensuite se remémorent ce qu'ils ont vu et ce qui s'est passé dans la journée. Il y a un deuxième effet de résumé qui est Bougainville lui-même qui met ensemble ce qu'il a entendu pour faire les notes de son journal qui va devenir son livre. Donc on comprend bien que avec cet effet-là, tous les détails qui paraissent insignifiants sont gommés et il ne reste que les grands faits. C'est évident, on le voit très bien avec Bougainville en tout cas, que ce qu'il raconte est le fruit surtout des conversations qu'il a avec les autres. Donc même le journal de Bougainville est déjà un journal à plusieurs voix ou à plusieurs mains. À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « Tayo !» qui veut dire « ami » et en nous donnant 1000 témoignages d'amitié. Tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes. La plupart de ces nymphes étaient nues, soit que Même dans les pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s'énoncèrent bientôt clairement. Ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français, jeunes, marins, et qui, depuis 6 mois, n'avaient point vu de femme. Aïe, aïe, aïe, aïe. Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan. Cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous, tel que Vénus se fit voir aux bergers phrygiens. Elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écoutille et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité. Attends. Comment on peut croire des idées aussi pareilles? John Merail, metteur en scène et professeur d'Orero, l'art déclamatoire tahitien au conservatoire de Papeete. Ces jeunes filles-là qui viennent, elles ont entre 12 et 13 ans. Les filles faisaient ça pour attirer les hommes. Mais là, la jeune fille là, qui vient sur le cabestan, qui se met toute nue devant 400 hommes, tout ça, ça c'est peut-être une petite fille de 10 ans qui n'était pas du tout consciente de son corps, mais c'est pas, ça m'étonnerait. Enfin, moi, je dis que ça me paraît un peu énorme qu'une jeune fille se pointe comme ça, toute seule. Ça me paraît un petit peu caricaturé. Que des femmes expérimentées viennent... Ben, dans la provocation, je veux bien le croire, mais de manière ingénue. Si on se reporte au journal de bord de Wallis, qui est arrivé quelques mois auparavant, il est arrivé en juin 1767 en baie de Matavai, et ensuite au journal de bord de Bougainville, arrivé en avril 1768 à Haïtia. Corinne Rebaud, historienne et conférencière. Ben, concernant les faveurs sexuelles accordées aux nouveaux venus, eh bien, on trouve dans ces différents journaux de bord, que ce soit celui de Robertson, celui de Wallis, bon, pour l'expédition de 1767, et dans le cas de Bougainville, Fesch, Vives et quelques autres, quand même, les faits sont concordants. Les Européens observent que on va leur présenter des jeunes filles et... Même avec Bougainville, on décrit là, des scènes où on étale le péoué au sol, hein, la natte, et qu'ensuite, eh bien, un cercle s'établit et on encourage à la relation sexuelle. Et souvent, eh bien, là, ça n'aboutit pas, ce qui va déclencher le mécontentement de l'assemblée et le courroux de la jeune fille. Alors, c'est intéressant de voir que Haïtia, ils n'ont jamais rencontré d'Européens avant Bougainville, que à Matavai, ils n'ont pas rencontré non plus d'Européens avant l'expédition de Wallis, et que dans ces deux cas-là, eh bien, on décrit ces présentations de jeunes filles aux nouveaux venus. Alors c'est un extrait évidemment extraordinaire parce que Serge Tcherkesov, on cite anthropologue, ces phrases de la fin, mais c'est là où Bougainville nous révèle à quel point lui et les hommes de son époque avaient une vision très précise sur le genre féminin en général, puisqu'il nous dit tout de suite, ces femmes polynésiennes, alors première grande méprise, viennent vers nous, comme la filmographie hollywoodienne plus tard les fera mettre en scène pour se jeter au cou des marins, et elles viennent pour nous, première grande erreur. Grande erreur malgré ce qu'il dit lui-même, puisqu'il dit bien elles étaient amenées par des adultes qui les déshabillaient. C'est pas elles qui se déshabillaient. Sauf qu'il a oublié ça. Et à la fin de cet extrait, il nous dit « La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne. » Moi, je suis prêt à parier qu'elle a été déshabillée comme les autres. D'autre part, au début du texte, on a tout le temps « les femmes, les femmes ». Mais dès que ça devient plus précis, « ah, mais en fait, c'est une jeune fille. » Alors, les autres? Étaient-elles des femmes en général ou des jeunes filles? Puis alors, cette phrase extraordinaire, elles nous firent des agaceries. Donc, quels étaient les gestes qu'elles faisaient, on ne sait pas. Mais on découvrit quelque embarras. Elles étaient un peu gênées. Et alors, soit que la nature ait partout embelli le sexe d'une timidité ingénue, etc., etc., soit que les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus. Ça, c'est extraordinaire. Or, quand il dit il y avait là quelque embarras, c'est là où le journal de Fesch est tellement précieux, puisque lui nous décrit, en faisant soi-disant une sorte de résumé des différentes rencontres qui ont eu lieu, que les filles étaient toujours jeunes et qu'elles ne voulaient pas, qu'elles étaient amenées de force, déshabillées, et que c'est pas seulement qu'elles étaient gênées, elles étaient très gênées et tremblantes de peur, et certaines en pleurs. Ça, c'est ce que Fesch nous dit qu'il a vu. Mais pour Bougainville, voyez ce que c'est devenu. Ça, c'est extraordinaire. Avec cet extrait, on a toute l'histoire, si on l'oppose avec ce que nous raconte Fesch. La société tahitienne pré-européenne est extrêmement complexe, hein, donc il y a beaucoup d'aspects dont on pourrait parler. Déjà, elle était considérée comme l'une des plus stratifiées de la Polynésie, un petit peu moins que celle de Tonga et de Hawaï, mais en tout cas, pour l'ensemble, très stratifiée, avec surtout une compétition au pouvoir durant la période du contact. Tamara Maric, archéologue et directrice des collections du Musée des îles et de Tahiti. Donc la société était divisée en plusieurs classes sociales, des classes sociales entre le peuple, les Manarounés, mais également des chefs qui étaient un peu comme des gouverneurs, hein, également des propriétaires fonciers, Ratira, qui étaient près du peuple et qui sans doute faisaient les intermédiaires entre la grande chefferie et l'ensemble de la population. Bien entendu, les Ari'i, donc tout au sommet de la société, les chefs, les grands chefs, dont les principaux se réclamaient de généalogie qui remontait à l'origine des dieux, donc avec une ascendance divine. Bougainville, lorsqu'il arrive à Tahiti, n'est pas le premier Européen arrivé. Le premier officiellement, c'est Wallis. Wallis qui arrive en 1767 à Tahiti. Il arrive, il se fait attaquer immédiatement. Bon, après, on sait qu'il y a eu ces échanges et qu'au final, ils ont fini par sympathiser. Et voilà, et c'était déjà mis en place... Un début de réseau d'échanges et de réciprocité. Voilà, donc quand Bougainville arrive, effectivement, il semblerait que les chefs tahitiens et que la population aient bien compris qu'il pouvait y avoir un danger à s'opposer fermement, à essayer de s'emparer des bateaux, des navires, un danger, mais également qu'ils pouvaient en retirer, bien entendu, du bénéfice et probablement rituel également. Alors voilà, oui, au XVIIIe siècle, c'est le marae le plus grand de toutes les îles de la société, au niveau au moins de sa taille et la splendeur de son architecture. Marc Edoz, c'était un marae archéologue. Qui, à l'époque, avait une plateforme, hein, qu'on dénommait en tahitien Ahu, qui était 83 mètres de longueur par 23-24 mètres de largeur, et il avait une série de gradins. C'était une pyramide, voilà, c'est le seul de l'Océanie d'ailleurs, parce que c'était conçu comme une pyramide en gradin, hein, comme Zoser en Égypte antique, mais c'est le seul culture polynésien qui avait conçu une telle structure. Et c'était grandiose et magnifique. Alors aujourd'hui, on voit visuellement très peu qui reste de cette architecture très ancienne. On voit le vestige des arbres sacrés, hein, les arbres de fer. Parce qu'encore en tahitien, c'est un tapo, c'est un signe de le dieu Oro. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait autant de ces espèces d'arbres qui avaient poussé sur le lieu. Au niveau de sa architecture ancienne, on voit que le monticule de la Ahu. Et ça, c'est que le remplissage de l'intérieur qui était fait à la fois en Ophai Ma'ohi, ça veut dire le basalte, et Toamiti, le corail, parce que c'est le côté symbolique de la fertilité de la mer et de la terre dans le temple. Et alors, vous pourriez dire un petit peu donc, qui étaient ceux qui ont créé ce marae un peu exceptionnel ? Dans quelles circonstances et pour quel culte ? Et quel rôle ça a joué aussi au niveau des chefferies et des luttes puissance entre les chefferies à l'époque ? Fin 16e, début 17e siècle, le culte d'un dieu à la fois de la guerre mais aussi de la fertilité, il s'appelle Oro, en guise de dieu de guerre, Oro te taua, et dieu de la fertilité, Oro itete amoui. Ça veut dire que toute la grande chefferie, si tu veux parler de l'île de Tahiti, qu'on dénommait Ari Nui, était impliquée dans ces cultes-là. Parce qu'au XVIIIe siècle, la population de l'île de Tahiti était assez élevée, parce que c'est une population qui n'avait pas autant ancienne connaissance de la maladie. Il n'y avait rien qui avait freiné le grandissement de la population, parce que les Polynésiens, à cette époque, reproduisaient chaque 15 ans. Hein. Alors là, dans chaque vallée, il y avait des tribus, des clans conséquents en nombre. Et c'est une île quand même, on n'a pas une étendue de terre autochtone inépuisable. Il faut faire la conquête de terre des ennemis et voilà, élargir l'influence de votre tribu. Voilà. Les armes, voilà, ça démarre ici. Voilà, l'art de la guerre, tout est ici. Alors, il y a des textes ici, tiens, voilà, par exemple, tu regardes, voilà la traduction ici, tu vois à peu près, il y a des formes hein, qui sont très ritualisées, c'est scandé. Alors, je prends là, ici, alors ça, c'est très gentil. Je prends vraiment un endroit où c'est beaucoup plus violent. Ça, c'est un rautitamaï, donc celui qui invective l'autre. Et il dit, c'est un défi de guerre obtenu en ceci. Pour nous deux en colère, à Huriaau, porte un nom, pour nous en persistance, en vexation, en fureur, nous allons accomplir ce mauvais jeu de la guerre. Que le guerrier pleure, que le champion dirigé vers les pleurs, pleure pour les morts. C'est moi, Tehoroa, je viens d'une race de guerriers fameux. Et en tant que chien, ça donne ceci. Imaginons un groupe A, une armée A, une armée B. Le porte-parole de l'armée A, c'est ce qu'on appelle le rautitamai. C'est celui qui invective. C'est lui qui provoque un rituel. Avec, bien sûr, ses chefs qui sont à côté de lui. Celui qui provoque est un connaisseur. Je pense que tous ces gens-là avaient une formation quand même. Il fallait être chorégraphe, il fallait avoir de la mémoire, il fallait connaître l'histoire du Fénois. Il fallait s'entraîner souvent pour pouvoir être devant et puis faire un récitatif et puis improviser. Mais c'est très, très cru. Par exemple, je pouvais dire pour l'autre, toi qui es là devant, je viendrai, je t'enfoncerai mon morceau de bois, une épine au travers de l'oreille, sortirai par l'autre côté et avec une ficelle, j'en ferai par exemple une couronne, je secouerai autour de mon cou, je vais courir avec ta tête sur mon dos. C'est violent. Bien, je vais dire, je viendrai, j'enfoncerai ta maison, je tuerai tout le monde, tes enfants, ta grand-père, ta grand-mère. Enfin, ça peut être très, très violent, mais c'est de la provocation. On peut démarrer, par exemple, que je vois les ténèbres entourant ton village, je vois le ciel s'assombrir, je vois le dieu Oro qui descendrait pour prendre les gens. Est-ce que ça va déboucher forcément sur un combat? Pas nécessairement. Il arrive parfois que les chefs soient assez intelligents pour se dire, il vaut mieux peut-être envoyer un champion contre un autre champion plutôt qu'on se tape dessus. On ne peut pas imaginer les Tahitiens avec des armées de 200-300 personnes. Donc c'était surtout peut-être des petites batailles, 30-40 personnes, mais on préférait aussi déléguer avec des champions, ça fait moins de morts. Alors, toute la Ari Nui de l'île de Tahiti ensuite était d'accord que peut-être si on fait un marae principal pour Oro, pour toute l'île, hein, que c'est dans le district de Papara. Marc et Dose. Parce que les grands dieux de la montagne, l'étendue des terres cultivables, tout le monde sont d'accord. Papara, tout pousse ici, quoi. C'est pour la fierté de tout le monde impliqué dans le culte de Oro. Alors, ils ont essayé de faire un marais de grande taille à le dieu Oro, quoi. Alors, le chefferie le plus prestigieux de l'île de Tahiti, vers le 18e siècle, avait besoin de cette lien de sang avec Taputapuate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Tevayuta, le chefferie de Papara, était le plus prestigieux. La famille d'Amo était peut-être parmi les guerriers les plus affûtés, quoi, de toute l'île de Tahiti. Ils ont gagné des guerres, mais alors, on dit ça, Fatutoa, hein, dieu de guerre. Et alors, la chose qui se passait, c'est que Amo, à l'arrivée de Wallis, hein, à Matavai, il était le guerrier le plus renommé de l'île de Tahiti. Amo, c'était vraiment un guerrier, un politicien très astucieux, quoi. C'est un homme brillant pour moi. Hein. Imaginez-vous que vous êtes Amo, le meilleur guerrier de l'île de Tahiti. Et ces étrangers vont avec tout à Matavai. Mais c'est quoi ça? Et c'est pour ça que c'est le genre de Papara qui avait mené l'attaque contre Wallis. Ce n'est pas le genre de Matavai. C'est Amo qui est parti là-bas. Et avec des guerriers de la Tepuriono ou de tout. C'est Amo qui a mené cette attaque. Tu vois, ça fait depuis le début une rivalité, une jalousie entre le sang de Taputapuate, quoi, de Tevayitai, même de Vehiatu, et Matavai. Nous, Serge, quand on fait une autre histoire, c'est-à-dire ce qui s'est vraiment passé sur place, et qu'on sait que la rencontre avec Wallis a été très violente, c'est une autre question aussi de discuter pourquoi les vrais tout premiers contacts en Polynésie, aussi bien que dans d'autres régions du Pacifique, ont souvent été violents. Les malentendus quand on se rencontre et qu'on ne se comprend pas du tout, qu'on ne peut pas échanger de mots, ils s'expliquent. Mais donc, comme il y a eu violence, les Tahitiens, eux, ont été canonnés. Mais vraiment canonnés. Donc, il y a des gens qui sont morts dans les pirogues qui ont été, entre guillemets, bombardés depuis le bateau. Puis ensuite, une foule sur la grève qui a été canonnée aussi, qui s'est ensuite réfugiée dans les bois. On peut imaginer que c'est une expérience ô combien traumatisante et dramatique. Donc, ces Tahitiens-là, quand ils voient arriver Bougainville, donc ils ont bien compris que c'est des personnes même qui se ressemblent, qui viennent du même lieu. Enfin, on ne peut pas ne pas se dire qu'ils ont adapté leur stratégie avec la mémoire qu'ils avaient de ce qui s'est passé. Et Tahiti est suffisamment petit, certains ont dit oui, mais Bougainville est arrivé à tel endroit, Wallis à tel autre, non, ça tient pas. Donc c'est pour ça que quand on fait la chronologie des contacts sur place, on se dit, tout ce que les Tahitiens ont fait avec Bougainville, il faut peut-être l'interpréter comme des gestes propitiatoires vis-à-vis de personnes dont ils savaient qu'elles pouvaient être violentes et qu'elles pouvaient donner la mort instantanément. Alors que Bougainville, évidemment, on était à 100 lieues de penser que les Tahitiens pouvaient avoir ce genre de pensée. Dans tous les récits des navigateurs, il est bien dit que lorsque le commandant du bateau, que les gens arrivent en pirogue ou autre et montent à bord, en général, c'est quelqu'un en lien avec les familles de chefs. Ouais. Une des premières choses qu'il fait, c'est « Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu ?» Et après, puis il dit « Moi, je m'appelle un tel. Bon, maintenant, on échange. Là, toi, maintenant, tu t'appelles plus ce que tu dis. Bah, si on va dire Kouké, tout est. En Tahitien, vous t'appelle, il va dire Kouk. Il dit, bah, tout est. Ah, tu sais plus tout est maintenant, c'est moi, tout est. Ouais. Et mon nom, je te donne. Voilà. D'abord, c'est parce qu'en fait, finalement, tous ces déplacements, c'est pour établir un réseau d'alliances. Enfin, voilà. C'est ce qu'on appelle la tradition, la coutume du Fatawa, c'est-à-dire que de l'échange de noms entre deux personnes. Nous sommes bien là dans le journal de Félix Fesch, qui décrit de manière justement plus précise que Bougainville ce qu'il y a dans ces rencontres avec les femmes, en fait, avec les jeunes femmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, on nous montre que ces généralisations dont Bougainville nous parle dans d'autres extraits, où il dit « Dans toutes les maisons où nous entrions, on nous offrait immédiatement et de la nourriture et des femmes. » Alors que là, il décrit un peu plus précisément. On arrive à une case, le maître de maison les reçoit, accompagné, dit-il, de sa femme et d'une jeune fille. Un des assistants s'empara d'une flûte dont il tira des sons doux et agréables. Entre parenthèses, évidemment, on voit bien de quelle manière c'est préinterprété d'emblée. Et on apporta une natte que l'on étendit sur la place et sur laquelle s'assit la jeune fille. Les signes de tous les Indiens nous firent bien comprendre le fait dont il s'agissait. Cependant, cet usage étant si contraire à ceux établis pour nous et voulant en être assuré, un de nous s'approche de la victime offerte, lui fait présent d'une fausse perle qui lui attache à l'oreille, risque un baiser qui lui fut bien rendu. Une main hardie et conduite par l'amour se glisse sur deux pommes naissantes, ennemies l'une de l'autre et dignes comme celle d'Hélène, de servir de modèle à des coupes incomparables par la beauté et l'agrément de leur forme. La main glissa bientôt et par heureux effet du hasard tomba sur des appâts cachés encore par une de leurs toiles. Elle fut bientôt ôtée par la fille elle-même que nous vîmes alors avec le seul habillement que portait Ève avant son péché. Il y a un cercle d'Étaïciens autour, on se met à jouer de la flûte. Or, à cette époque, on le sait bien, on ne jouait pas de la flûte simplement pour passer un petit moment musical. On est donc dans une atmosphère cérémonielle, rituelle. On apporte une natte. C'est une jeune fille que l'on installe dessus. Et on dit bien là, jeune fille. Et la description ensuite, qui nous parle de manière très métaphorique, avec de la poitrine de cette jeune fille, nous fait bien dire de manière sans le moindre doute qu'elle est très jeune. Et là, Fesch, ou disons Staroux de Saint-Germain, a raison de dire s'approche de la victime offerte, mais on voit comment ce récit gomme tout de même tout ce que la foule a fait autour. Les personnes âgées qui ont amené cette jeune fille, et pas la femme du chef qui est là, la jeune fille seulement. Et le récit dit simplement que cette fille elle-même enlève bientôt le tapis qui l'entourait. Tout ça, on voit bien que c'est une scène qui est totalement formalisée, jouée, rituelle, cérémonielle, mettez tous les mots que vous voulez. Mais évidemment, dans ce type de récit, ça paraît presque être encore l'initiative des jeunes femmes qui brûlent de connaître les visiteurs français. L'hypothèse que je faisais moi est de mettre en rapport avec d'autres mythes bien connus qu'on a dans plusieurs régions de Polynésie où des jeunes filles vierges, filles de chef, on les exposait nues au premier rayon du soleil levant avec l'idée qu'elles tomberaient enceintes de manière mystique et qu'en sortirait une progéniture qui donnerait des chefs immenses, des chefs des demi-dieux, en quelque sorte. Donc tout le thème de la procréation sacrée, à mon avis, il est là. Et si on accepte ce que je disais au début, à savoir que les Polynésiens ont vu les premiers Européens comme des créatures surhumaines venant de l'au-delà, pas vraiment comme des dieux, mais venant de là-bas, et donc dotés de ces pouvoirs sacrés, le mana ou peu importe comment ils l'appelaient, et quand je dis procréation virginale sacrée, du coup, on sait qu'elles étaient vierges, puisqu'on a quelques indications quand même de Bougainville et un petit peu dans d'autres voyages un peu postérieurs qui disent bien qu'elles l'étaient, puisque Bougainville parle du sang virginal qui coule sur les autels, etc. Corinne Rebaud. D'après les journaux de bord, et ça c'est un élément récurrent dans toutes les arrivées d'explorateurs en contact avec les populations océaniennes, il y a toujours des vols. Ce sont toujours les vols qui déclenchent des rixes, des attaques et éventuellement des morts. Parce que depuis l'arrivée, par exemple, de Jacob Roggeveen en 1722, pour la première fois à l'île de Pâques, il ne cesse de mentionner les vols qui vont d'ailleurs déclencher des coups de feu et la mort de certains habitants de l'île de Pâques. Et puis ça sera pareil partout finalement, ça sera pareil aux Marquises, ça sera pareil à Itia, dans tous les lieux. Parce que les autochtones vont, selon certains avis, vont s'amuser à chiper, à dérober tous les objets qu'ils trouveront à leur portée, même s'ils n'en connaissent pas l'usage, et ces objets vont circuler de main en main. Mais pour les Européens, c'est du vol. Alors, on peut aussi se mettre à la place des Européens qui, à bord de ces bateaux, n'avaient quand même que l'essentiel. Donc, se faire voler l'essentiel, c'était préjudiciable. Alors, quand par exemple, lors de l'arrivée de James Cook, après quelques semaines, lorsqu'il installe le fameux observatoire pour l'observation du passage de Vénus, et quand pendant une nuit, on leur vole tous les instruments d'observation, qui étaient pourtant très lourds, et malgré la sentinelle, on réussit à les voler, bien évidemment que là, ça pose problème. Voilà, c'est toujours les vols qui déclenchent des rixes en général. Est-ce qu'on ne peut pas rétorquer que du point de vue tahitien, ils venaient à terre et ils avaient besoin de victuailles et de ravitaillement, et que donc finalement nourrir deux bateaux de 300 ou 400 hommes pendant 10 jours, refaire les victoires, refaire les provisions de bord, etc. C'était aussi un prélèvement très très considérable sur l'économie locale. Il y avait une quantité d'objets qui étaient destinés à l'échange, échangés contre des cochons, contre des régimes de bananes, contre des houroux, contre des fruits, etc., des volailles, toutes sortes de victuailles. Ça, c'était prévu. Voilà, c'était un troc où on avait établi des barèmes et on avait tant de nourriture pour tant d'objets qu'on pouvait un peu négocier, mais voilà, ça c'était prévu. En revanche, ce qui va toujours poser problème, ce sont les vols à l'arraché, on va dire. Alors est-ce que pour eux, c'est s'approprier en quelque sorte un peu la force, le mana de celui qui a franchi les océans et qui est un peu le conquérant quelque part? Peut-être il y a de ça aussi. Mais les objets reviennent, les pistolets, la lunette d'opéra et quelques autres objets qui avaient été dérobés. En fait, au moment où Bougainville arrive à Tahiti, ils vont avoir l'impression d'arriver dans un véritable pays de cocagne, après quand même des mois et des mois de navigation très difficiles, et surtout ils ont l'impression de découvrir une société vivant dans l'harmonie de la nature. Alors aujourd'hui, pu montrer que sont très largement trompés, qu'ils ont une vision très faussée. Mais alors, cette vision faussée, elle est liée à un imaginaire culturel qui est à ce moment-là très présent, qui est la valorisation de l'idée de nature. Celui qui, peut-être plus que Bougainville, celui qui est le plus marqué par Rousseau et qui va avoir peut-être un plus grand impact sur le mythe de Tahiti comme mythe de la société proche de la nature, c'est le botaniste Commerson. Et de là, il va écrire une lettre sur la découverte de la nouvelle Cythère, c'est-à-dire de Tahiti, lettre qui va être publiée dans la presse française, dans le Mercure de France, dès le retour de Bougainville. Et c'est une lettre très exaltée où il dit « Nous avons découvert une société absolument idéale où les hommes vivent selon la nature, ils sont intelligents, beaux, ils ont une vie parfaite, etc. » Et lui proposait d'appeler cette île l'île d'Utopie. Donc, c'est beaucoup dire. Il dit « Mais finalement, Bougainville a décidé de l'appeler la nouvelle Cythère. » Donc l'autre thème aussi qui va être développé à ce moment-là, c'est le mythe d'une île de l'amour, d'une île de la liberté amoureuse et même sexuelle, antérieure hein, à l'édification de normes morales hypocrites, etc. Par ailleurs, Rousseau n'aime pas du tout les voyageurs, les expéditions. Il a des mots très critiques, d'ailleurs, donc, beaucoup vexé Bougainville. Bien sûr, il a lu, mais d'abord, il pense, hein, il le dit très clairement dans une note, que les récits de voyage sont tous faux et menteurs. Hein. Il faudrait qu'il y ait un voyageur philosophe, mais pour l'instant, il n'y en a pas, puisque ceux qui ont écrit des récits de voyage sont soit des marchands, soit des missionnaires, c'est-à-dire que des gens dont l'habitude est de mentir. Donc, il ne fait strictement aucune confiance à ces récits de voyage. D'ailleurs, il n'a pas, à ma connaissance, réagi ou été particulièrement intéressé par les récits de Bougainville dans le début des années 1770. À ce moment-là, au moment de la publication du voyage de Bougainville, Rousseau est à Paris, il ne manifeste pas d'intérêt particulier à cette question-là. Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés. Le moins difficile n'avait été de parvenir à se contenir soi-même. Un seul Français, mon cuisinier, qui malgré les défenses avait trouvé le moyen de s'échapper, nous revint bientôt plus mort que vif. À peine eut-il mis pied à terre avec la belle qu'il avait choisie, qu'il se vit entouré par une foule d'Indiens qui le déshabillèrent dans un instant et le mirent nu de la tête aux pieds. Il se crut perdu mille fois, ne sachant où aboutiraient les exclamations de ce peuple, qui examinait en tumulte toutes les parties de son corps. Après l'avoir bien considéré, ils lui rendirent ses habits, remirent dans ses poches tout ce qu'ils en avaient tiré et firent approcher la fille en le pressant de contenter les désirs qui l'avaient amenée à terre avec elle. Ce fut en vain. Il fallut que les insulaires ramenassent à bord le pauvre cuisinier, qui me dit que j'aurais beau le réprimander, que je ne lui ferai jamais autant de peur qu'il venait d'en avoir à terre. C'est horrible. Et ça fait mal, hein, ce passage. Terena Rey. Je le connais, ce passage. Je le connais tellement bien. Parce que c'est finalement ce qu'on retient de la femme tahitienne. Hein, qu'elle est... Comment on nous a qualifiés ? C'est la nouvelle cité. Je pense que c'est ce que les gens retiennent. On est des Vénus d'une nouvelle cité. Or, c'est pas le cas. Enfin, ça fait mal. Ça fait mal parce que encore 250 ans après, les étrangers ont encore cette image de la femme tahitienne. Donc quand ils me voient arriver, je suis tahitienne et je ne suis pas du tout typée comme dans ce livre. Et ça se voit de très loin que je ne suis pas typée comme ça. Or, je suis tahitienne. Le voyage de Bougainville, contre-enquête. Merci à Flora Devatine, Marc Edoz, Véronique Larcade, Antoine Lilti, Serge Tcherkezov, John Merai, Corinne Rebaud, Tamara Maric, Toari Traki, Terena Rey. Remerciements à Noémie Savinien, Guillaume Lévesque, Taraï Kili, Véréa Tessier. Coordination Marivonne à Bolivier, Perrine Kervran. Prise de son studio Manon Houssin. Réalisation Nathalie Battus. Un documentaire proposé par Delphine Morel.